Les petites histoires de Telmi. Les bulles de souhait. Bonneland est une petite ville nichée en haut d'une colline. Chaque mois de novembre, enveloppée d'un manteau de feuilles flamboyantes, elle resplendit. Chaque rue se pare de décorations aussi délicates qu'enchanteresses. Chaque porte se coiffe d'une couronne finement ouvragée. Chaque chaumière dégage une agréable odeur de pain d'épices à laquelle se mêle une odeur poivrée. C'est celle du grand chêne qui veille depuis des millénaires sur les habitants de la ville. Bonneland est connue à travers tous les royaumes pour sa nuit des bulles de souhait. Elles sont l'œuvre d'Alogar, l'enchanteur. Chaque année, à l'abri de son atelier, il façonne des milliers de globes cristallins qu'il distribue aux habitants de Bonneland. Chacun y murmure son souhait le plus cher et le garde précieusement jusqu'au festival. Cette nuit-là, alors que toute la ville se réunit sous le grand chêne, chaque bulle s'illumine du souhait qu'elle contient. Et lentement, une myriade d'étoiles de verre vient orner l'arbre protecteur qui se met alors à briller de mille et un désirs. Fleur et Rose, deux jeunes sorcières en formation, ont été envoyées à Bonneland pour étudier la magie d'Alogar. Elles étaient toutes excitées à l'idée de le rencontrer, d'autant que ce soir-là, le festival devait avoir lieu. En passant les portes de la ville, elles furent surprises par l'atmosphère qui se dégageait. Alors que ça devait être un jour de fête, les rues étaient désertes et tout était silencieux. Elles pressèrent le pas vers l'atelier d'Alogar. Elles trouvèrent porte close. En insistant un peu, la porte s'entr'ouvrit pour laisser apparaître la tête d'un petit garçon, les yeux rougis par les larmes. « Nous sommes venus voir Maître Alogar. » « Papa est parti. »« Comment ça, parti ?»« Il y a 3 jours. » Toutes les bulles de souhait ont disparu sans que personne sache comment. Mais papa avait sa petite idée, alors il est parti, seul. Mais il n'est jamais revenu. La garde a envoyé des hommes le lendemain, mais eux aussi, ils ont disparu. Tu sais, mon amie Fleur est une apprentie traqueuse. Elle peut retrouver n'importe qui. Oui, j'aurais juste besoin d'entrer dans l'atelier. Tu crois que c'est possible? Oui. L'atelier était plongé dans l'obscurité. Sans un mot, Fleur se dirigea au centre de la pièce pour dessiner d'étranges motifs sur le sol. D'un coup de baguette, les marques s'illuminèrent avant qu'un imposant ours blanc n'en jaillisse dans un grondement sonore. Le fils d'Alogar poussa un cri d'effroi. L'ours se jeta sur Fleur et la couvrit de l'échouille. « Il n'y a pas meilleur limier que Philibert. Avec lui, on est sûr de trouver ton père. » L'ours renifla l'air un moment, colla sa truffe au sol et se mit en chasse. Les deux sorcières traversèrent des champs boueux, un bosquet d'arbres morts, une rivière asséchée. Alors que la nuit pointait le bout de son nez, elles arrivèrent au pied d'un vieux château. Le mur d'enceinte craquelé était recouvert d'épaisses toiles d'araignées. Le portail ressemblait à une bouche hurlante. L'immense cour intérieure était peuplée d'arbres et de buissons parfaitement taillés. Tous étaient habillés de fils de soie finement tissés. Des milliers d'araignées les décoraient de fines bulles de verre scintillantes. Les souhaits des habitants de Bonneland? Et si on allait chercher des renforts? On n'a plus le temps et on a fait une promesse. Philibert remonta la piste, arriva jusqu'au perron du château. Sa mission achevée, il s'évapora. Rose et Fleur se trouvaient au pied d'une porte si imposante qu'elles se sentirent plus minuscules que des brins d'herbe. La porte s'ouvrit dans un grincement démoniaque. Fleur eut un mouvement de recul. Rose lui prit la main. L'immense hall d'entrée était éclairé par des milliers de bulles de souhait scintillantes. Au centre de la pièce, la statue d'un imposant sorcier était entourée d'une dizaine de statues de pierre, l'air terrorisé, armes au poing. Elle protégeait une énorme sphère de verre flottant à quelques centimètres du sol. La curiosité poussa Rose et Fleur à s'en approcher. Sous la rondeur du verre, elles découvrirent une immense plaine verdoyante où galopaient des chevaux sauvages montés par des enfants. « Ce souhait me fascine. Il est vraiment magnifique. Vous ne trouvez pas ?» Sous leurs yeux terrifiés, une femme émergea des ombres, très grande, habillée d'une robe finement brodée de soie rouge aux motifs dorés. Malgré le masque de porcelaine qui couvrait son visage, Rose et Fleur se sentaient dévisagées. Vous êtes... La tisseuse? Vous avez bien appris vos leçons, petite sorcière. La tisseuse était une sorcière de légende, presque aussi vieille que le temps. Elle avait créé l'attrape-rêve, un sort qui permettait de piéger des cauchemars qu'elle se faisait une joie de déguster pour renforcer ses pouvoirs. Rose regarda les bulles de souhait, puis lança à la tisseuse un regard noir. « Vous devriez avoir honte !»« De quoi ? D'étudier les souhaits des humains ?»« De leur voler !»« Ce ne sont que de petits souhaits pour une fête de rien. »« Vous avez rendu tout le monde malheureux. Vous êtes un monstre !»« Comment osez-vous ?» Le masque de la tisseuse noircit. Autour d'elle, l'air crépita. Des centaines d'araignées surgirent de tous les côtés. Vous croyez que vous pourrez vous nourrir de leurs cauchemars si les humains ne souhaitent plus rien ? D'un coup, le calme revint. Les araignées s'éloignèrent. Je n'y avais pas pensé. Il vaudrait mieux que vous leur rendiez leur bulle. En plus, le festival va bientôt commencer. Mais leurs souhaits m'intéressent. Peut-être que... Vous pourriez vous associer avec Alogar ? Quelle brillante idée ! La tisseuse toucha une à une les statues. Alors qu'elle retrouvait formes humaines, la sorcière se fondit dans les ombres. Une mélopée résonna dans le château. Les bulles de rêve disparurent. Bientôt, dans tout Bonneland, des cris de joie retentirent. Et ce soir-là, tous les habitants assistèrent à la plus belle fête des bulles de souhait de tous les temps. C'était une petite histoire de Mathieu Jeunel. Vous avez une envie d'histoire ? Demandez à vos parents de nous la raconter sur Facebook ou par mail. À la semaine prochaine !